Lorsque nous parlons à ce micro de technologies numériques émergentes ou de politique du réseau, nous faisons un peu trop vite l'abstraction de ce que représente aujourd'hui la Chine dans ces marchés. Lorsque l'on parle et que l'on critique les GAFAM, on oublie trop vite les BATX, et entre GAFAM et BATX, il n'y a pas que les acronymes qui changent, il y a l'État chinois qui a des parts et contrôle indirectement chacune de ces sociétés. L'Internet chinois, c'est un vaste intranet à l'échelle d'une population de près d'un milliard de connectés, des enjeux économiques considérables dans un environnement de plus en plus politiquement censuré. Internet Made in China, c'est le programme numérique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer le rapport au numérique de l'Empire du Milieu, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Mathieu Quignoux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat et chercheur à la chaire UNESCO ITEN et Frédéric Pupati, bonjour. Bonjour. Vous êtes observateur spécialiste de la Chine contemporaine et analyste en stratégie d'influence. Vous pouvez nous suivre en direct sur les ondes de France Culture, en différé sur le site de France Culture, franceculture.fr, en podcast via de préférence l'excellente application de Radio France, mais comme toujours en complément de ce qui va être dit via l'un des géants d'Internet en ce moment actuel sur Twitter, en vous abonnant à notre compte @laméthodefc. Alors on va évoquer bien sûr en partie la guerre commerciale que se livre en ce moment la Chine des États-Unis par l'intermédiaire de Google et Huawei. Mais avant cela, une nouvelle restriction qui est tombée tout récemment, c'était la fin du mois d'avril, la fin en Chine de Wikipédia. En Chine, la censure gagne du terrain. Déjà bloqué dans sa version en mandarin, le site Wikipédia a été bloqué dans toutes les traductions possibles. Une manœuvre arrivant à l'approche de plusieurs dates sensibles, telles que les 30 ans du massacre de Tiananmen. Wikipédia rejoint Google et plusieurs réseaux sociaux sur la liste des sites interdits par les autorités chinoises. Voilà, plus de Wikipédia, pas de Facebook, pas de Twitter, pas de Google. Ça veut dire qu'il y a deux internets aujourd'hui dans le monde. Il y a l'internet du monde américain et l'internet asiatique piloté par la Chine, Mathieu Quignoux. Oui, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a quand même deux mondes. Alors, en tout cas, c'est cette grande muraille qui a été installée par la Chine. C'est pas souhaité par les Occidentaux. Les GAFA, en tout cas, ont souhaité pour le coup vraiment attaquer le marché chinois au départ. Mais c'est vrai qu'ils sont confrontés à un État. Ils sont confrontés aussi à des entreprises qui étaient encore un peu naissantes au moment où les GAFA ont commencé à vouloir attaquer le marché chinois. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a un autre modèle avec d'autres usages typiquement chinois qui ont émergé, et aussi des méta-plateformes. On a des Google, effectivement, dans l'Occident, mais en Chine, on a vraiment des équivalents qui sont presque aussi puissants au niveau de la capitalisation boursière, un petit peu moins, mais quand même très, très puissants, et qui tendent, pour certains d'entre eux, en tout cas ceux qui sont plus sur, peut-être moins sur les aspects réseaux sociaux et moins sur la recherche, mais ceux par exemple sur le e-commerce comme Alibaba ou des structures on a vu comme Xiaomi ou Huawei qui sont vraiment, qui ont une politique d'expansion et qui vendent à l'international des outils et avec un modèle chinois, une appréhension chinoise, un rapport tout à fait particulier effectivement aussi avec le gouvernement chinois comme peuvent l'avoir aussi les entreprises des GAFA avec les Américains. Frédéric Pupati, et peut-être la différence, je l'évoquais dans l'introduction de cette émission, c'est vrai que quand on pense GAFAM, on dit BATX, c'est les GAFAM chinois, mais en fait ce sont des réalités économiques, politiques très différentes, ne serait-ce que parce que l'État chinois a des parts dans chacun des BATX et les contrôle de manière plus ou moins indirecte. Oui, c'est encore plus vérifiable dans le cas chinois, puisque les BATX... Donc BATX, on va rappeler... c'est... Alors, Baidu, Alibaba... Tencent, Xiaomi et peut Huawei. Rajouter Huawei entre Alors, le T et le X comme c'est souvent l'usage. Alors comme je le disais, on peut légitimement dire que les BATX sont observés de très très près par les autorités de Pékin, puisqu'il existe depuis très longtemps entre ces entreprises et les responsables politiques des rapports de proximité avec les fameux Guanxi, qui sont en fait en quelque sorte des relations d'affaires très largement ancrée dans la tradition chinoise, et ces relations d'affaires sont dominées par des logiques d'influence et de corruption. Alors, on va revenir sur la structure et sur la façon dont s'est structuré justement cet Internet et plus généralement cet univers numérique économique chinois. Peut-être qu'on peut rappeler, pour commencer dans cette introduction, que il y a 4 ans, la Chine a lancé un grand plan Made in China 2025 qui a pour ambition, ni plus ni moins, de transformer la Chine en leader international des technologies numériques émergentes. Frédéric Poupati. Oui, alors le plan Made in China 2025 avait été lancé en 2013, mais il semblerait que depuis fin décembre 2018, les experts observateurs occidentaux et experts chinois n'ont plus souvent recours à ce terme. Il semblerait que le plan Made in China 2025 soit un petit peu tombé dans l'oubli. Parce que dans le même temps, il y avait le plan Obor, One Belt, One Road, qui avait été lancé par Xi Jinping en 2013. Ce qu'on appelle la nouvelle route de la soie. La nouvelle route de la soie, tout à fait. Et ce projet-là est très avancé aujourd'hui. Il a commencé à impacter certains pays du G7, je pense en particulier à l'Italie, qui a signé des accords avec la Chine. Tout récemment, hein, il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, exactement. Mmh. Le premier pays européen a signé des accords avec la Chine sur ce projet de route de la soie. Tout à fait. Et le projet de route de la soie aujourd'hui est très bien avancé, puisque le 5 juin dernier, Xi Jinping s'est rendu à Moscou pendant les commémorations en Europe du débarquement en Normandie. Et Xi Jinping a renforcé son partenariat avec Moscou et Vladimir Poutine. Et dans le même temps, Huawei a signé un contrat avec le premier réseau télécom MTS pour implémenter une solution 5G dans le pays. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, ces nouvelles routes de la soie, elles ont complètement englobé cette nouvelle géopolitique agressive de la Chine, en incluant justement un volet indispensable aujourd'hui, qui est le volet e-commerce, nouvelles technologies, et notamment ce cheval de Troie qu'on pourrait qualifier de Huawei via le déploiement de la technologie 5G, ce qui nous amène d'ailleurs à la guerre hein, que sont en train de se mener les États-Unis et la Chine via Huawei et Google. Effectivement, Mathieu Quignon. On peut dire que ça va bien au-delà, enfin cette nouvelle route de la soie va bien au-delà de ce qu'on peut avoir l'habitude de faire et ce que proposait la Chine effectivement avec ce projet 2025 qui ressemble plus à un horizon 2020 pour reprendre un équivalent européen qui est quand même tourné vers l'intérieur en grande partie même s'il y a une démarche d'exportation. On voit aussi que dans horizon 2020 européen il y a des partenariats avec la Chine, il y a dans les appels d'offres il y a aussi des partenaires chinois, donc il y a une ouverture vis-à-vis de l'extérieur notamment de la Chine, mais c'est vrai que ces nouvelles routes de la soie vont bien au-delà. On est vraiment dans une logique d'expansion économique et de fluidification du marché avec une route effective terrestre qui est quand même ça va être une grande première de relier le continent eurasien avec une telle vitesse et un tel flux aussi parce que ce sera beaucoup plus épais que ce qu'on peut avoir aujourd'hui avec des cargos. Enfin, c'est vraiment une nouvelle approche et pour parler de la question de la guerre économique avec les États-Unis. Alors il y a un point qui est assez intéressant. Bon, c'était déjà un petit peu sous-jacent depuis un certain temps. Hein. Ce qui est un petit peu le fil conducteur de tout ça, c'est bon, effectivement la montée en puissance de la Chine économique. Sa sphère d'influence qui est grandissante en Afrique, en Europe de l'Est notamment. Et par ailleurs, effectivement au niveau des infrastructures, Huawei est devenu un acteur assez clé. Et cherche une implantation en Europe. Il y a eu aussi cette question, finalement, comment est-ce qu'on part un acteur aussi nouveau, finalement, aussi inattendu. Mais initialement, la guerre économique est née de secteurs, enfin en tout cas celle actuelle avec Trump, hein, c'est les photovoltaïques et c'est les lave-linges, qui sont quand même des éléments où ce qui était en jeu, c'est les modalités de financement. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on finance en Europe, par exemple, la transition énergétique? On incite les consommateurs à mettre du photovoltaïque chez eux. Sur le toit de leur maison, pour caricaturer. Tout à fait ça. Alors qu'en Chine, on donne de l'argent aux entreprises chinoises qui après pourront développer de la R&D. C'est une technologie qui n'est pas complètement mûre. Donc on a ce que fait en fait l'Europe, enfin ce qu'a vu la Chine, c'est, stratégiquement c'est très très malin, c'est qu'elle pouvait payer sa R&D de ces entreprises grâce à des marchés extérieurs et aux consommateurs extérieurs via l'État, via ces États qui eux finançaient finalement des transitions de technologies peu mûres. Ce qui est intéressant peut-être, c'est de voir comment aujourd'hui, à travers cette guerre économique que se mènent les États-Unis et la Chine entre Google et Huawei, et en tout cas à travers Huawei, il y a une volonté de sortir du seul marché asiatique. C'est-à-dire que sur les BATX précédemment, on était vraiment sur un marché, disons, sino-asiatique avec une volonté qui n'était pas très marqué de s'étendre à l'international. Huawei, pour le coup, a une politique très agressive de déploiement, notamment de la 5G, mais aussi via bien via ses terminaux, ses téléphones portables sur le marché international. Oui, c'est Frédéric Pupati. Pour répondre, pour revenir sur ce que disait Mathieu il y a quelques instants, cette guerre économique entre Washington et Pékin, elle date pas d'hier, puisque elle remonte à l'année 2013, donc bien avant l'arrivée de Trump au pouvoir, et ça s'est ancré sur le long terme parce que de part et d'autre, il y a eu des ratés dans la communication, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on arrive à un quasi dialogue de sourds entre les deux pays. Après, pour rebondir sur Huawei directement, Huawei à l'origine c'est de la couverture de réseaux de télécommunications. Ils se sont très vite aperçus que c'était bien rentable, mais qu'il fallait passer à la vitesse supérieure. Et ils se sont mis à investir massivement en Afrique au début des années 2010. Et petit à petit, ils ont diversifié leur modèle de production avec des équipements, des smartphones, notamment les smartphones. Pardon. Donc aujourd'hui, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on réalise que Huawei opère un véritable pillage des données et un pillage de flux. Mais d'un autre côté, lorsque le grand public utilise toujours d'ailleurs la technologie américaine comme Microsoft ou Apple, c'est exactement la même chose. Et personne à l'époque ne se plaignait, ne levait le petit doigt pour dire attention, on se fait piller jusqu'au récent scandale de l'affaire Prism révélé par Snowden en 2013, ou sur les écoutes du portable de Merkel par exemple. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 16h10 sur France Culture. Nous parlons du numérique en règle générale et de l'Internet en particulier, vu de Chine, pour essayer de comprendre comment s'organise finalement cet univers numérique dans l'empire du milieu. Parce que, évidemment, quand on parle des GAFA ou des GAFAM, on oublie qu'il y a tout un pan d'Internet auquel nous n'avons pas accès et qui aussi génère des usages qui sont très distincts des usages que nous pouvons avoir dans le monde occidental. C'est tout ceci que nous allons comprendre et évidemment le tout dans un contexte de politique, de censure et de surveillance très important. Nous en parlons avec Mathieu Quignoux et Frédéric Pupati. Peut-être pour repartir au début de cette histoire, comment Internet arrive en Chine? Comment est-ce que le Parti communiste chinois fait-il main basse historiquement sur Internet, Frédéric Pupati? Alors, Internet arrive en Chine au début des années 90, précisément en 95, à la suite d'une ouverture politique via des partenariats avec des universités. Alors, au départ, Internet en Chine, c'est très rudimentaire, ça passe par des serveurs américains, des hébergeurs américains. Et très rapidement, l'accès à Internet se propage des régions côtières vers les campagnes reculées, pour arriver aujourd'hui à un usage très, très proche de celui qu'on a en Occident. Mais d'un autre côté, avec l'ouverture économique du pays, on aurait pu s'attendre à une libéralisation de la parole sur Internet et de la prise de position des citoyens. Il n'en a rien été, puisque très tôt, les citoyens chinois ont commencé à s'organiser en petites communautés pour faire part de leurs griefs auprès des autorités locales. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu des premières mesures de rétorsion, notamment contre les cybercafés. Il y a eu plus de 50 000 cybercafés qui ont fermé leurs portes en Chine depuis les années 2000. Et aujourd'hui, quand vous êtes dans un cybercafé dans les grandes villes chinoises ou ailleurs, vous devez laisser vos coordonnées, votre nom, prénom et numéro de passeport pour qu'on puisse vous retrouver après si besoin. Mathieu Quignoux, sur l'arrivée d'Internet et sur la façon dont le pouvoir central chinois a petit à petit repris en main le réseau pour éviter d'en faire l'espace de liberté qu'Internet a pu offrir à son arrivée dans le pays. Alors effectivement, Internet est arrivé un petit peu plus tard, même quand, par rapport aux États-Unis bien plus tard, par rapport à l'Europe un peu plus tard, mais c'est quand même notable, et avec déjà des usages qui existaient à l'extérieur. Donc il y a eu aussi une volonté de finalement regarder, benchmarker un peu ce qui se faisait à l'étranger et l'adapter au marché chinois en vérifiant aussi que ça ne causerait pas trop de troubles par rapport à l'ordre établi et par rapport à ce qui était quand même l'autorité. Par exemple, en Chine, bah, c'est toujours le cas et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment... C'est quelque chose qui s'inscrit dans leur histoire. On voit que pour les transferts de technologie et pour les investissements étrangers, il n'est pas possible d'investir par exemple dans un média quand on est étranger. Il y a un certain nombre de secteurs qui sont interdits à l'investissement. Et ça s'inscrit vraiment dans la politique d'État. Et de fait, on a un équivalent sur les réseaux sociaux. Alors, le premier aspect, c'est vraiment du point à masse. Donc, c'est facile à réguler. Du pardon? Du point à masse. C'est une logique de finalement, on a une antenne comme ici, on s'adresse à toute une population. D'accord, très bien. Alors que dans une démarche point à multipoint, on est avec des pairs qui échangent entre eux, avec éventuellement des leaders d'opinion, des groupes plus importants, des lieux où finalement se construisent l'opinion un peu différents. Mais voilà, c'est plus difficile à réguler. Du coup, il fallait quand même une emprise sur les plateformes. Et ça s'est vite compris. Et bon, bah, je pense que sous cet angle-là, il y a eu cette création-là. Et voilà, ils ont trouvé leurs équivalences. Alors justement, on va essayer de comprendre comment c'est construit et comment c'est posé cette emprise hein, sur l'ensemble du réseau, à la fois en soft et en hardware, comment le pouvoir central a réussi à avoir la main mise et à faire de ce que j'évoquais, mais je parle évidemment sous votre contrôle, de l'Internet en Chine, une forme d'intranet géant, c'est-à-dire en bloquant ou en tout cas en contrôlant les points d'accès d'entrée et de sortie. Ça commence très tôt, hein, Frédéric Poupati, en 98, avec un projet qui, dans un premier temps, s'appelle Bouclier Doré, qui va devenir ce qu'on appelle le grand Firewall de Chine, évidemment, en clin d'œil à la Grande Muraille. Alors, le bouclier d'or a été officialisé en 2006, si je ne me trompe pas, pour justement limiter l'absorption des mauvaises influences, des influences néfastes, principalement d'Occident. Qu'est-ce que c'est concrètement le bouclier d'or ? Le bouclier d'or, en quelque sorte, c'est un dispositif technique qui va filtrer du contenu et retenir, le cas échéant, des pages web, des mots-clés, un certain nombre d'informations en fait sur les citoyens et sur les organisations internationales. Donc tout ce qui peut apparaître aux yeux du gouvernement central comme subversif. Donc les droits de l'homme, le Tibet, le Falun Gong, Taïwan et bien évidemment Hong Kong ou Tiananmen. Tout ce qui est compris dans un document qui a fuité il y a quelques années qui s'appelle le document 9, peut-être vous pouvez nous en dire un mot. Alors le document 9, ça a été mis en avant par Xi Jinping en 2013, peu de temps après son arrivée au pouvoir. C'est en quelque sorte une charte de bonne conduite, si je puis dire, pour les internautes chinois. On l'appelle aussi d'ailleurs en chinois le Ci Bu Tan, donc les sept points qu'il ne faut pas aborder. Ça concerne bien évidemment les droits de l'homme, la sécurité économique, le bien-être social, les valeurs asiatiques. Donc un cadre de vie normé, bien tempéré, que Pékin souhaite mettre en avant pour son projet de société harmonieuse. Concrètement, alors très vite, hein, y a plein de réglementations qui sont posées, une réglementation temporaire pour la gestion de la connexion au réseau international d'information, une ordonnance pour la protection de la sécurité des systèmes d'information informatique, etc., qui conduisent, je pense, à la création en 2014 de ce qu'on appelle aujourd'hui l'administration chinoise du cyberespace, le CAC. Concrètement, comment est-ce que le pouvoir chinois s'y est pris pour surveiller les flux d'informations? Est-ce que ça s'est d'abord passé par du matériel? Est-ce que c'est passé par du renseignement? Où sont les points de surveillance? Où sont les petites ou les grandes oreilles que le pouvoir central a installées sur le réseau, Mathieu Quignou? Alors c'est une question très intéressante, j'aimerais avoir une réponse certaine sur la question parce que effectivement bon dans une émission qui porte sur la recherche scientifique et sur une méthode justement sur des questions d'opacité comme ça, très difficile d'avoir un avis tranché, en tout cas de mener une recherche de cette qualité-là. Alors bien sûr il y a des informations qui ont fuité, il y a vraiment des agents de l'État apparemment qui travaillent à ça, mais comme dans notre pays hein, je veux dire c'est quand même quelque chose d'assez fréquent. Alors là c'est peut-être une dimension plus importante, mais il y a aussi une masse de population plus importante à vérifier. Il y a tout un axe vis-à-vis des minorités. Alors ça, c'est sûr, il y a toute une politique de surveillance et de gestion de la minorité aussi, parce que bah, dans une population qui prétend en tout cas appartenir à une unicité ethnique quasiment à 90%, les Han, avec après des minorités, alors que finalement cette majorité ethnique est faite d'agglomérations successives, on est dans quelque chose où on cherche vraiment à intégrer et donc à éviter un petit peu ces modifications-là. Alors après, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un croisement entre de l'IA et de la recherche en IA quand même très solide en Chine, avec des agents de l'État qui travaillent sur ça. Alors, quelle masse ? Sur la R&D, on a quand même un peu des ordres de grandeur. On voit que c'est à peu près du même ordre aujourd'hui que les États-Unis, donc c'est quand même assez colossal. Il y a des plans d'État, les entreprises aussi, les grandes entreprises chinoises s'y sont mis aussi à investir. Voilà, et il y a toujours, mais on voit que les entreprises aussi américaines utilisent des personnes pour améliorer leurs algorithmes. C'est la même démarche, hein. Et c'est aussi un peu occulté. Il y a eu, effectivement, là aussi, il y a une opacité relative. D'ailleurs, pour rebondir sur l'IA, depuis 2 ans maintenant, la Chine produit plus d'articles scientifiques consacrés à l'IA que les États-Unis. Chose qui était encore il y a peu de temps inimaginable. Et sur la structuration justement de cette surveillance du réseau, je sais que très tôt, la République populaire de Chine a acheté d'importants routeurs à Cisco, qui les a installés. Comment ça se passe justement? Comment est structuré le réseau? Qui possède les routeurs? Est-ce que ce sont tous des routeurs publics? Est-ce que ces routeurs-là, ils appartiennent à des sociétés privées qui sont contrôlées par l'État? Est-ce qu'il y a des agents du gouvernement qui sont à la base des routeurs et qui vérifient l'entrée et la sortie des flux? Comment ça se structure, Frédéric Poupetti? Alors, c'est très compliqué de répondre à cette question parce que, par définition, ce sont des thématiques qui renvoient vers du militaire. Donc on est là sur des sujets très sensibles, très épidermiques. Mais à ma connaissance, les responsables de projets chinois sont tous issus des meilleures universités du pays. Ce sont tous des éminents spécialistes qui collaborent avec les services de renseignement, notamment avec la PL3, le bureau qui s'occupe précisément des communications cyber et de la gestion des flux. Donc ce sont eux qui vont instaurer la marche à suivre pour les entreprises privées, en particulier celles qui sont orientées grand public, à savoir Alibaba et Tencent, parce que de ce côté-là aussi, il y a des déclinaisons issues du militaire, mais aussi du civil. Mais pour répondre à votre question sur les routeurs, c'est par définition très complexe, puisqu'il y a très peu d'études, en tout cas en Occident, qui sont connues à ce jour. Quel est le rôle précis aujourd'hui du CAC, l'administration chinoise du cyberespace? À quoi ils servent? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'on le sait? C'est en quelque sorte un Big Brother de l'Internet chinois. Donc, il l'appelle Big Mama ou Big Mother, c'est ça? C'est Big Mother. Ouais, Big Mother. Tout à fait. Ouais. C'est donc un organe qui est directement rattaché au Politburo, sous le contrôle de la Commission militaire, donc de Xi Jinping. Le travail de la Commission, c'est de dicter les lois, de recadrer la population lorsqu'il le faut, et comme on l'a évoqué en début d'émission, de faire le choix de censurer tel site internet, ou telle page, ou tel canal de diffusion. C'est en quelque sorte un organe régulateur. Alors, on a longtemps dit, lu et entendu que finalement, pour les citoyens chinois qui voulaient s'affranchir des BATX ou du réseau tel qu'il était conçu, il y avait tout de même quelques petites portes de sortie, la principale d'entre elles étant les VPN. Vous pouvez peut-être nous rappeler ce que c'est qu'un VPN et de surtout dire, est-ce que les VPN qui fonctionnaient hier, c'est-à-dire il y a 4-5 ans, fonctionnent encore aujourd'hui? Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui se connecter à Facebook en Chine en 2019 via un VPN, ou est-ce que d'une, c'est dangereux, ou deux, c'est juste techniquement impossible, Mathieu Quignoux? Alors moi, je me souviens que c'était une pratique très courante qui vient peut-être des expatriés en Chine. Je pense que c'est peut-être ça l'origine un petit peu de la chose. Vous nous rappelez ce que c'est qu'un VPN en deux mots pour les auditeurs? Alors un VPN, c'est donc un ordinateur donc qui se connecte à un autre ordinateur dans un autre pays généralement, et à une multiplicité d'entre eux, qui utilise ou non un système de cryptage plus ou moins sophistiqué et qui permet d'accéder à de l'information via ce biais-là en fait. Et donc ça permet entre guillemets de perdre la trace de l'ordinateur de base et d'accéder du contenu via cet intermédiaire. Et donc, ça a longtemps, effectivement, vous l'avez dit, hein, ça a été importé par les expatriés ou pas d'ailleurs, peu importe, mais en tout cas, ça a été longtemps un moyen de contourner justement la censure de l'Internet chinois. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Je pense que de moins en moins, les entreprises qui justement faisaient de l'exportation, avaient des relations avec les étrangers, étaient très habituées à l'usage des VPN dans les entreprises, même si c'était déjà illégal, enfin relativement illégal, enfin déconseillé, dirons-nous. Actuellement, bon, ça fait depuis à peu près 2-3 ans que Xi Jinping a poussé une politique qui vise à interdire ça. Donc il y a eu d'abord des premières attaques contre les VPN. Ensuite, les services VPN sont presque retirés parce qu'ils n'arrivaient plus à offrir à leurs clients un service de suffisamment bonne qualité, en fait. Donc là, c'est très difficile. Après, les personnes qui souhaitent contourner arrivent toujours. Il y a des modèles, donc tout ce qui est... Enfin, Tor aussi avait été un petit peu... Il y avait eu des... Tor, The Onion Ring, qui est un modèle de navigateur anonymisé en blockchain. C'est ça, oui. Bah, d'ailleurs, alors il y a une attaque. Enfin, le rapport de la Chine à la blockchain est très particulier, je pense. Vous parliez tout à l'heure des questions de serveurs. Effectivement, donc la Chine a une vraie puissance de calcul énorme, je pense, par rapport au reste du monde, hein, c'est vraiment énorme. Et donc il y avait des personnes qui avaient décidé d'utiliser la puissance de calcul de leur carte graphique et qui avaient vraiment fait ce qu'on appelle des fermes de minage de Bitcoin et de crypto-monnaies. Et donc ça a été c'était au cœur de ces dispositifs-là, et la Chine a vraiment fait un combat autour de ça. Par contre, la technologie blockchain est valorisée, c'est-à-dire qu'il y a des associations qui avec une vraie promotion étatique autour de ça. Par contre, les levées de fonds blockchain sont interdites en Chine jusqu'à présent. Tor, The Onion Router, hein, pas The Onion Ring. Oui, Frédéric Poupetti, justement à propos des VPN et de leur usage et de leur fonctionnement encore aujourd'hui encore. Oui, alors effectivement, je pense que pour beaucoup d'expatriés, ça reste une solution de contournement. Ensuite, comme l'évoquait Mathieu tout à l'heure, une nouvelle loi a été votée il y a 2 ans qui dit que toutes les données qui sont échangées sur la toile en Chine doivent rester sur des serveurs chinois. Donc par définition, lorsque vous utilisez un VPN, ça part quelque part d'une machine à l'autre et forcément c'est hébergé ailleurs. Donc aujourd'hui... On a un équivalent en Europe, hein, finalement, de ça. RGPD, c'est la même démarche. Tout à fait, tout à fait. Le RGPD maintenant a prouvé depuis il y a plus d'un an que ça, on arrive à peu près à trouver un cadre juridique le moins contraignant possible pour la population. Mais on est encore très très loin en Chine d'un cas d'étude similaire. Alors juste le lien entre le RGPD et cette loi chinoise qui induit que toutes les données qui transitent en Chine doivent être hébergées par des serveurs chinois. Alors donc en gros RGPD, l'idée, bon, il y a le règlement général sur les données, la protection des données, Donc c'est vraiment accès aux données personnelles. Il y aura un nouveau règlement sur les données plus général bientôt, mais donc sur cet aspect là vraiment, donc il y a une multitude d'aspects de protection, mais notamment la question de comment est-ce qu'on fait avec les données de consommateurs ou d'utilisateurs européens vis-à-vis d'entreprises qui sont souvent étrangères. Donc, par exemple, Google, est-ce que Google va avoir la possibilité d'envoyer finalement des données d'utilisateurs français en Californie? Donc ça, c'est possible dans une certaine mesure avec ce qu'on appelle Privacy Shield, qui est un dispositif qui permet... Le bouclier de privacy, même si c'est pas une muraille là-bas, c'est un bouclier, donc européen, qui permet justement de filtrer les entreprises qui ont une bonne approche, qui suivent une certaine conformité européenne. Alors ça, c'est vraiment sur la logique, c'est quand même protéger le consommateur européen, protéger l'individu. En Chine, la démarche est différente. C'est essayer quand même de protéger les intérêts de l'État et protéger un peu une intégrité, voilà. Et d'ailleurs, il y a quand même une question qui se pose. De protéger une intégrité, ça veut dire quoi? C'est une intégrité de la population chinoise vis-à-vis de l'utilisation qui pourrait être faite des données, finalement. Et donc c'est à la fois une ambition politique de contrôle des données et en même temps, tout de même, doublée d'une volonté de protéger la vie privée et les informations et les données des citoyens chinois. Il y a un enjeu économique aussi derrière ça avec l'IA. C'est-à-dire qu'ils ont plus d'un milliard de citoyens. Pour entraîner une IA, c'est très intéressant. En Europe, on peut pas se targuer de ça. Et en plus, chaque pays a une langue différente, c'est très compliqué. Et là-bas, ils le permettent et ils le gèrent aussi à un niveau quasi étatique. Alors qu'en France, c'est très difficile, il y a une réglementation. Voilà, si on se mettait à utiliser les données chinoises parce que là-bas, c'est plus souple au niveau de l'utilisation, même dans une démarche de recherche, ça mettrait à niveau. Donc je pense qu'il y a aussi une dynamique stratégique économique. Frédéric Poupati, sur ce lien, je trouve ça assez intéressant de faire un lien entre la RGPD et finalement la politique du gouvernement chinois de maintien, de conservation des données à l'intérieur du pays, par rapport justement plutôt à des volontés de maîtrise, voire de censure, alors qu'on a plutôt tendance à vendre le RGPD comme un instrument de liberté, justement par rapport à l'emprise des grands groupes étrangers. Oui, mais en tout cas, c'est la stratégie chinoise en matière de souveraineté numérique. Chacun veut garder ses acquis, son précaré. Et pour revenir à ce que disait Mathieu sur l'IA, ce qui est très intéressant, c'est que l'IA aujourd'hui est devenue le cheval de bataille de Pékin pour la guerre économique qu'elle mène contre Washington. Les Chinois ont compris, sans doute un peu trop tard, parce qu'ils n'ont peut-être pas les bons experts avec eux, que l'IA va devenir capitale pour la survie du régime et pour la survie de la société chinoise en particulier. Parce que, pour un tas de raisons, mais si je devais en retenir une, c'est par exemple, je dirais, tout le domaine de la science médicalisée. On a une population de seniors en Chine qui va croître de 25 ans dans les 50 prochaines années. Donc on va avoir une population senior qui sera très dépendante et dont il faudra s'occuper. Donc là où l'IA peut jouer un avantage décisif pour le gouvernement chinois, c'est la mise en place de nouveaux procédés médicaux, de nouveaux outils et a fortiori de nouvelles techniques médicales qui pourront être exportables plus librement dans d'autres régions du monde qui seraient intéressées pour acquérir la technologie chinoise. On en est encore très loin. Elle est malingre, elle est petite, elle boit des grands verres d'eau bénite, tout en feuilletant le glossaire des mots interdits par Dieu le Père. Elle coupe, elle mutile ou elle blesse, ici un cœur, là une fesse. Elle est le chirurgien des rois, l'ambroise parée sans foi ni loi. Sur le corps, elle porte une bure pour cacher ses trésors absents. Sur le cœur, elle porte une tonsure, comme on porte un Saint-Sacrement. La censure, la censure. Elle est le Cerbère des royaumes, l'hydre à cent têtes et le pogrome. La main de fer et le baillon qui étouffent les révolutions. Elle est le grand inquisiteur, le bûcher purificateur. Et il n'y a pas tellement longtemps, de Buchenwald au Ku Klux Klan. Sur le corps, elle porte des souillures de poudre de terre et de sang. Sur le cœur, elle porte une armure enrouillée par la haine et le temps. La censure, la censure. Henri Tachon, la censure à 16h30 sur France Culture pour parler notamment des pratiques et du développement d'Internet en Chine. Nous en parlons tout au long de cette heure avec Mathieu Kinyou, qui est avocat et chercheur à la chaire UNESCO ITEN, et Frédéric Pupati, qui est observateur spécialiste de la Chine contemporaine et analyste en stratégie numérique. Mais comme tous les mercredis dans la méthode scientifique, eh bien, à mi-émission, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Et aujourd'hui, nous sommes en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu à Besançon avec Julien Van Landwies. Bonjour. Vous êtes en quatrième année de thèse à l'Université de Franche-Comté, centre de recherche juridique de l'Université de Franche-Comté. Vous travaillez sur l'identité numérique. Bienvenue donc à la recherche montre en main. On vous écoute. Alors aujourd'hui, quand on envisage donc la protection des éléments de l'identité de la personne, on a deux modèles principaux qui se détachent, dont on a entendu parler dans l'émission, en début d'émission. On a la vie privée, et la vie privée, le problème, c'est que dans sa conception très classique, l'arrière-boutique où chacun peut se replier, eh bien, elle n'est plus vraiment adaptée au contexte d'exposition, de valorisation de soi sur les réseaux publics. La question n'est plus tellement d'empêcher les gens de partager des informations intimes sur d'autres individus, mais de protéger des informations intimes, personnelles, que les individus eux-mêmes vont rendre publiques. Et c'est pour ça qu'on a amené sur le devant de la scène une nouvelle notion qui semblait plus adaptée aux nouvelles pratiques, qui est la notion de données à caractère personnel, notamment mise en avant dans le RGPD qui a été abordé. Donc une donnée à caractère personnel, c'est une information relative à une personne physique qu'on peut identifier directement ou indirectement. Le RGPD et les textes qui l'ont précédé reconnaissent aux individus un ensemble de droits, accès, rectification, opposition, effacement des données. Ça paraît être un ensemble assez cohérent, assez efficace. Le souci, c'est que ces modèles-là, ils conduisent à un morcellement de la personne, c'est-à-dire nous sommes chacun des agrégats de données très complexes à saisir dans leur ensemble. Et puis, il ne faut vraiment pas perdre de vue que ces textes-là, ils ont des objectifs doubles affichés, qui sont certes de protéger la personne, mais aussi d'assurer la confiance dans l'économie numérique, et notamment stimuler la croissance de l'économie numérique, et notamment les économies européennes, et dans une moindre mesure aussi américaines. Donc, typiquement, si en Chine on protège peu les données, ça offre par exemple un avantage considérable, on l'a entendu avant, sur le développement de l'IA, que l'Europe ne peut pas non plus trop freiner en protégeant trop les données des personnes. Parler d'identité numérique, c'est justement prendre un petit peu de recul par rapport à ça, puisque ça permet de se détacher d'une conception individualiste et atomistique de la personne, puisqu'on va chercher à protéger individu par individu, donnée par donnée, ce qui n'est plus vraiment cohérent par rapport au contexte actuel. Et puis on se rend compte aussi qu'aujourd'hui, on ne sait pas de quoi on parle. C'est-à-dire, est-ce qu'une donnée personnelle, c'est quelque chose qu'on peut vendre ou pas ? On va trouver les deux points de vue. Malheureusement, ça affecte également la vie privée. Est-ce que la vie privée, on peut la vendre ou pas ? On le voit par exemple avec les stars. Elles peuvent disposer de leur image, elles peuvent vendre des informations, notamment à la presse People. Est-ce qu'on est propriétaire ou pas ? Et malheureusement, cette incertitude-là, elle peut créer des failles, c'est-à-dire qu'on peut dire les gens ont un portefeuille de données et ils peuvent les vendre au plus offrant. Ça présente des risques très importants. Notamment, le fait de s'enfermer dans une incompréhension des nouveaux enjeux. Ces nouveaux enjeux, c'est quoi ? C'est notamment la puissance acquise par les acteurs du numérique et les nouvelles pratiques de traitement algorithmique, de traitement comportementaux des données et de profilage. Par exemple, en demandant à ce que les personnes consentent pour qu'on utilise les données, eh bien, on perd de vue le fait que leur consentement, il est peut-être déjà travaillé en amont par ces acteurs qui cherchent en fait à anticiper les conduites en agrégant le maximum d'informations comportementales. Le souci qu'on a donc, c'est que tout faire reposer sur le consentement, on en arrive peut-être à un non-sens, puisque le consentement des personnes est peut-être justement ce qui est visé par les acteurs du numérique. Et puis, autre élément que l'identité numérique, la notion d'identité numérique, si on l'apporte dans le débat juridique, va nous permettre de mieux percevoir, c'est que la protection actuelle, on l'a basée sur les éléments identifiants, c'est-à-dire ceux qui vont vous permettre de relier des données à une personne déterminée. Or, le souci aujourd'hui n'est peut-être plus tellement l'identification. L'identification est un problème, on le voit notamment en Chine avec le système de surveillance généralisée. Donc c'est un vrai problème, mais ce n'est pas le seul problème. Un des problèmes qu'on passe un petit peu trop sous silence, à mon sens, c'est l'idée de saisir la personne dans sa personnalité, dans son IPC, et arriver à anticiper ses comportements, et donc en fait neutraliser en quelque sorte son autonomie et son libre arbitre. Donc l'idée de parler d'identité numérique plutôt que de données à caractère personnel, c'est prendre un petit peu de recul avec certes une notion très floue, très vague et qui ne correspond pas vraiment normalement à la méthode du juriste. Méthode qui a été éprouvée, on avait vu des travaux assez formidables de Daniel Gutmann sur le sentiment d'identité. Je confronte ma notion vague à un domaine qui paraît très technique et je me rends compte qu'on a un petit peu enfermé le débat. En prenant un petit peu de recul, on se rend compte qu'on avait peut-être des outils plus dangereux d'un point de vue de la sécurité juridique pour les acteurs commerciaux, mais peut-être plus puissants pour protéger les personnes. Mmh. La vie privée aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle qu'on connaissait avant, cette espèce d'arrière-boutique de la personne. C'est devenu le terreau de l'épanouissement personnel, de l'autodétermination et du droit à l'identité sous l'égide de la Cour européenne des droits de l'homme. Mmh. Il faudrait peut-être aujourd'hui prendre acte de ces évolutions. D'ailleurs, juridiquement, on n'a pas vraiment le choix. On doit respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais on pourrait, nous, reprendre ce concept et l'intégrer complètement à notre droit pour avoir un outil aujourd'hui pour mieux envisager la protection de l'identité sur les réseaux. Mmh. Très bien, je vais vous arrêter là. Merci beaucoup Julien Van Landwies pour cette présentation. Par ailleurs, vous restez avec nous. Merci. Si vous souhaitez intervenir dans la suite de nos échanges, vous êtes évidemment le bienvenu. Je voyais Frédéric Poupati approuver pendant votre exposé sur un certain nombre de points. Peut-être une réaction, est-ce que vous venez d'entendre ? Oui, après, ça renvoie un petit peu à travers les questions de le paradigme de l'individu par rapport au contenu de la formation et qu'est-ce qui finalement est divulgable et qu'est-ce qui l'est moins. Quant à la question de savoir quel type de données personnelles il est permis de commercialiser ou non, et quel est son degré d'exploitabilité, ça reste encore en débat. Et puis on y reviendra dans un instant à propos notamment du système de crédit social en Chine qui est très lié à l'utilisation qui est faite justement d'un certain nombre de ces réseaux sociaux et des Batix dont nous allons reparler dans un instant. Mais eh bien l'une des questions qui demeure également quand on est à l'extérieur de ce vaste intranet continental, disons, qui est l'internet chinois, c'est comment réussir à rentrer, comment réussir à mettre un pied à l'intérieur lorsqu'on est un acteur international, lorsqu'on est un site international, notamment un site français. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes rendu chez un spécialiste du référencement pour comprendre comment le moteur de recherche Baidu, qui est une sorte d'équivalent de Google en Chine, gère les requêtes internationales. Oui, j'ai rencontré Véronique Duong, qui est directrice de l'agence Rankwell, une entreprise spécialisée dans ce qu'on appelle le SEO, l'acronyme anglais pour parler de référencement naturel des sites web sur les moteurs de recherche, que ce soit Google ou bien encore Baidu. En Chine, le moteur de recherche national, Baidu, il est utilisé par une très large majorité de la population et il représente environ 70% des parts de marché. Alors avec 800 millions d'internautes chinois, on comprend facilement que de plus en plus d'entreprises veuillent que leur site soit accessible en Chine et référencé par Baidu. Pourtant, et c'est ce que nous explique Véronique Duong, pour qu'un site web soit référencé par Baidu, il y a de nombreux paramètres à prendre en compte et ça va de la traduction complète du site en chinois en passant par la prise en compte de la censure ou encore l'hébergement du site sur le territoire chinois. Alors le SEO est l'acronyme en anglais de Search Engine Optimization, qui en français veut dire référencement naturel. L'objectif, en fait, en référencement naturel, c'est de positionner en premier une page web, une marque, sur les moteurs de recherche comme Google, Baidu et les autres dans le monde, comme Yandex et Naver. Quels sont les services finalement que vous proposez ? Alors, les services qu'on propose en référencement naturel sont nombreux, dans le sens où on peut faire des audits de sites web, des audits techniques, éditoriales, des audits de liens externes, des optimisations de méta-tags, c'est-à-dire des contenus sémantiques qu'on a sur le site, titres, méta-description, des titres éditoriaux, et également tout ce qui est services en dehors du site, comme le netlinking, où on accompagne un site web sur la trouvaille de sites externes, de blogs externes, de médias externes qui pourraient parler du site et le faire gagner en visibilité et en notoriété. Alors, vous évoquiez au début de notre entretien Google et Baidu. Vous avez une connaissance assez pointue du référencement pour ces deux moteurs de recherche-là. Quelles sont les principales différences en termes de référencement entre ces deux géants moteurs de recherche ? Les différences notables entre Google et Baidu sont plutôt liées à leur algorithme. Google va s'appuyer sur l'aspect contenu, sur l'aspect des liens externes, la qualité des éléments, alors que Baidu va plus s'appuyer sur la partie communautaire, la partie sociale. Il faut savoir que, par exemple, pour Baidu, le nombre d'abonnés sur Weibo, le réseau social, on va dire, numéro 2 en Chine, qui ressemble plus à Twitter, microblogging, a une incidence. Plus on a d'abonnés, plus le site est, est plus vu comme une bonne marque avec une bonne réputation. Est-ce qu'il y a d'autres différences majeures entre les deux moteurs de recherche ? Effectivement, il y en a. Par exemple, certaines balises qui sont effectives et efficaces pour Google ne marcheront pas sur Baidu parce que justement, je pense notamment aux balises Open Graph pour Facebook. Facebook est interdit en Chine, du coup, il n'est pas nécessaire d'intégrer ce type de balisage dans les codes sources pour Baidu. Après, il y a une question aussi de langue. Je crois que pour qu'un site soit référencé sur Baidu, il faut qu'il soit traduit en chinois. Alors, vous aussi, vous travaillez à l'aide de cette traduction-là ? Alors, effectivement, nous, on sensibilise nos clients qui veulent aller sur la Chine par rapport au contenu local, au contenu en chinois simplifié pour Baidu. L'idée, c'est pas de faire une traduction littéral des contenus européens qu'on a pour le chinois, mais c'est vraiment de refaire un peu le site adapté aux consommateurs chinois et à la clientèle chinoise. Parce qu'autrement, on ne sera pas fidèle en fait au code culturel et les valeurs, on va dire, traditionnelles que les Chinois ont. Si moi je suis un entrepreneur type, je viens vous voir et que je vous dis voilà, j'aimerais que mon entreprise ait des clients en Chine, quels seraient les principaux avantages et les principales contraintes que vous m'exposeriez à me lancer et à être référencé sur Baidu ? Alors, les contraintes sont surtout liées, on va dire, aux aspects administratifs, parce qu'il faut savoir que si on veut exécuter un site en Chine, idéalement, il faut le faire héberger en Chine. Il faut avoir un domaine.cn, il faut avoir la licence ICP. Même si maintenant la régulation commence à être un peu plus souple, ça reste quand même des contraintes gouvernementales. Et pour cela, il faut justifier la présence, souvent, d'une adresse de domiciliation de l'entreprise en Chine. On peut toujours contourner ça en travaillant, par exemple, avec Hong Kong ou Macao, Taïwan. La proximité joue beaucoup pour l'hébergement et la rapidité de chargement d'un site web. Et travailler du .com avec un contenu en chinois simplifié, c'est aussi possible de réussir à se faire référencer sur Baidu et à monter doucement dans le moteur de recherche. On sait qu'en Chine, il y a un contrôle politique qui est connu. Est-ce que, par exemple, si moi j'ai un site à contenu un peu, pas dissident, mais en tout cas qui touche un petit peu des points sensibles en Chine, est-ce que mon site pourrait être référencé sur Baidu quand même ? Par rapport à des informations sensibles qu'on peut trouver sur un site internet, c'est vrai que la censure est un sujet qui existe. C'est pourquoi aussi Google est parti de la Chine en 2011 pour ses problèmes de liberté d'expression. Si Baidu remarque que votre site contient des informations sensibles liées peut-être à la politique, il se peut qu'il soit moins bien référencé, moins bien positionné dans le moteur. C'est possible. Moins bien positionné, ça veut dire qu'il sera relégué à des pages un peu plus lointaines. Exactement, je pense notamment à la troisième, quatrième page, alors que peut-être c'est un site qui aurait pu être en première page. Quelles sont voilà, les prochaines étapes pour Rankwell et puis qu'est-ce que vous êtes en train de développer en ce moment ? Alors en ce moment, on est justement en train de se développer sur l'Asie. L'idée est également de faire le contraire, d'accompagner des marques chinoises qui veulent venir en Europe. Parce que justement, en Europe, on a aussi des codes totalement différents en termes de culture, de marketing. Et les marques chinoises ne connaissent pas forcément, sachant que Google est interdit en Chine. Du coup, le référencement sur Google est également un sujet à traiter pour les clients chinois. Voilà, les questions de référencement hein, au cœur de cette pénétration de l'Internet chinois, de cette forteresse intérieure, de ce grand firewall de Chine. Une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Frédéric Pupati ? Ah oui, le référencement, c'est un petit peu l'alpha et l'oméga pour une entreprise qui veut assurer sa visibilité et transmettre ses informations pour capitaliser un marché des consommateurs. C'est sûr que la loi commence un petit peu à s'assouplir en Chine, mais comme ça a été rappelé, ça reste encore un travail de longue haleine qui prend beaucoup de temps et qui en décourage encore beaucoup. Mathieu Quignoux. Oui, bah c'est sûr que bon, la holding de Google s'appelle Alphabet, donc c'est sûr que pour du mandarin simplifié, c'est compliqué, quoi. Donc il y a vraiment deux cultures, hein, quand même. Hein. Oui. On va parler un peu dans le quart d'heure qui nous reste. J'aimerais qu'on marque un peu plus le coup sur ce que sont ces BATX et ce qu'est l'usage de l'Internet chinois, à la fois du côté des utilisateurs, mais aussi du côté du pouvoir. Comment est-ce qu'ils sont apparus, ces BATX ? Ils n'ont pas tout à fait tous la même histoire, mais ils ont tout de même un certain nombre de traits communs. Comment est-ce qu'on pourrait... Quel est le terreau, le berceau dans lequel ils sont nés, Frédéric Pupati ? Alors, les BATX ont vu le jour à la fin des années 90. Alors, on rappelle Baidu. Donc, Baidu, c'est quoi déjà ? Baidu, c'est Google. C'est le moteur de recherche. Alibaba. C'est un site de commerce en ligne. Donc, type Amazon. Tencent. Le même genre, mais avec une déclinaison télécommunication et couverture de réseau. Et Xiaomi ? Xiaomi, c'est un produit, une déclinaison de Tencent. Qui sert en fait c'est du réseau social, de la communication. Et on peut rajouter donc Huawei, qu'on met un peu comme le M de Microsoft, qu'on rajouterait dans GAFAM. Alors allez-y, maintenant qu'on les a décrits, je vous laisse répondre à ma question. Alors je vais commencer par le premier, Alibaba, qui a été fondé en 99 par Jack Ma, donc Ma Yun pour son prénom chinois. Et c'est intéressant parce que Jack Ma, il avait au départ commencé à concevoir Alibaba et il avait dans un premier temps commencé à faire un référencement, un annuaire d'internet chinois qui s'appelle China Pages qui a cessé de paraître en 2005. Et Alibaba, sa petite histoire, c'est que Jack Ma est originaire de la province du Zhejiang, donc à l'est de la Chine. Et le Zhejiang, dans l'histoire économique récente de la Chine, ça a toujours été une province un peu expérimentale pour le gouvernement central, pour expérimenter des nouvelles stratégies économiques. Et Xi Jinping, avant d'être nommé président, avait été le gouverneur de la province de Zhejiang. Donc ça a en quelque sorte rapproché les deux hommes. Et c'est pas un hasard si le siège d'Alibaba se trouve aujourd'hui à Hangzhou, la capitale de la province de Zhejiang. Ça c'est pour Alibaba. Un mot rapide des autres, plutôt que de faire un par un, peut-être décrire un peu les points communs de chacune des entreprises. Est-ce que toutes ces entreprises sont aujourd'hui des entreprises d'État ? Alors... toutes n'ont pas suivi la même stratégie en même temps. Alibaba, donc comme je le disais, bénéficie d'un rapport de proximité particulièrement prononcé avec le pouvoir central. Dans le cas de Baidu, ça a été fondé par un ancien de l'armée au début des années 2000. Et c'est devenu en quelque sorte une entreprise privée, un petit peu par la force des choses, puisque depuis une quinzaine d'années, le gouvernement central fait de plus en plus appel au secteur privé pour donner un nouveau souffle à sa stratégie nationale. Et c'est pas un hasard aussi si le slogan de Baidu, c'est « Baidu connaît mieux les Chinois ». C'est intéressant parce que est-ce que... C'est programmatique, limite inquiétant. Oui. Tout réside dans le mieux en fait. Est-ce que c'est mieux que Google ? Ou mieux que le gouvernement central ? Ou mieux que le gouvernement central, tout à fait. Voilà, donc c'est... C'est assez amusant de noter comme détail, mais ça relève en quelque sorte le degré d'anxiété pour la population. Mathieu Quignoux, sur ces batiks et sur leur usage aussi, parce que leur usage, effectivement, on vit peut-être un peu trop rapidement que Xiaomi, c'est le réseau social. Enfin, les usages sont très différents. L'inclusion de chacun de ces outils, de ces géants numériques dans la vie des Chinois aussi très différente, ou très différente l'est-elle d'ailleurs, que par rapport à ce qui est le cas pour nous et les GAFA ou les GAFAM. Alors, à mon sens, il y a beaucoup d'usages vraiment très différents de ce qu'on peut avoir aux États-Unis ou en Europe. Par exemple. Deux, peut-être, sont vraiment clés. Déjà, en matière de fintech, la Chine a pris beaucoup d'avance hein, sur les États-Unis, sur l'Europe. Là, on parle régulièrement... Fintech, c'est... C'est les technologies de financement. Voilà, c'est ça. Alors, Alibaba, justement, un système qui s'appelle Alipay, il faut savoir que c'est le premier mondial au niveau de services de paiement. Bien devant... tout ce qui existe par ailleurs. C'est-à-dire devant PayPal, devant ce genre de... Absolument, parce qu'ils ont tout un modèle en fait de paiement par téléphonie. Donc c'est très très utilisé là-bas et donc ça fait en plus une population qui est très connectée maintenant, hein, de l'ordre de plus de 70-80%. Donc une population qui a pris ses habitudes de paiement par téléphone et donc ces outils sont vraiment très utilisés. On voit par exemple que Facebook là par exemple est en train de faire le Libra. Donc, sa crypto-monnaie, tout à fait, en train de lancer en ce moment. Donc peut-être qu'il y a aussi cette démarche au niveau des États-Unis de se mettre à niveau par rapport à ce qui est fait en Chine et ce qu'il y a aussi, il y a une vraie demande en Afrique par rapport à ces modalités-là de paiement par téléphone, etc. C'est-à-dire que ces crypto-monnaies, l'idée pour en deux mots, c'est-à-dire on dématérialise, on n'a plus accès ni à une carte bleue ni à un compte bancaire, etc. On règle directement avec son compte en associant son compte à des marqueurs d'identité type reconnaissance faciale, type empreinte digitale, type code secret. Oui, alors l'idée c'est que bon, il y a aussi une logique de tokenisation, c'est-à-dire qu'on maintient en fait dans un même écosystème, dans un même site, dans une même plateforme en fait le consommateur et on obtient ses données. On obtient ces données. Alors l'idée, notamment de Libra, bah, alors potentiellement, hein, ce qu'ils veulent faire, c'est justement avoir une filiale dans laquelle ils traiteraient les données financières. Pour qu'ils ne soient pas directement responsables, enfin pour limiter, créer une éviter l'oligopole. C'est ça. Donc ça, c'est une démarche. Et Alipay, bah, ça a tout à fait ça. Hein. C'est-à-dire que pour un site d'e-commerce, avoir des données sur l'activité financière, même au-delà de ton site, c'est très intéressant. Et Tencent aussi. Donc les deux plus gros, hein, vraiment, ils n'ont rien à voir avec les autres. Hein. C'est Alibaba et Tencent. C'est 10 fois plus que Xiaomi et Baidu. Enfin, c'est 400 contre 40 en termes de capitalisation boursière. Les uns sont quasiment au niveau des Américains, les plus gros, type Facebook, c'est 2 fois moins que Facebook, par exemple. Hein. Mais par contre, les autres, on est vraiment sur quelque chose d'autre. Et Huawei est très intéressant parce que c'est la seule qui n'a pas fait d'introduction en bourse. C'est fait. Donc, on est sur une structure qui a une vraie stratégie. Hein. Je pense que quand ils parlent d'eux, ils parlent de loup. C'est-à-dire qu'il y a une vraie démarche prédatrice quand même. Hein. C'est une démarche qu'ont pas forcément les autres. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Hein. Je pense qu'on n'a pas le temps, mais c'est pas la même chose. Et par contre, Tencent, donc, ils ont WeChat. Donc, c'est des usages que nous, on n'a plus. C'était Microsoft Messenger, pour donner un exemple. Donc, ça peut être le Messenger de Facebook aussi, qui essaye, ou WhatsApp, en tout cas, quelque chose similaire. C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, les Chinois ont utilisé Microsoft Messenger beaucoup plus longtemps que les Occidentaux. C'est-à-dire que ça a été arrêté aux États-Unis 4 ou 5 ans avant la Chine. Et les Chinois utilisaient ça. Donc, c'est surprenant. Et là-bas, vraiment, l'usage est là. Mais une et fois de plus, ces usages sur WeChat, ça sert aussi à commander à manger, ça sert aussi à commander un taxi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une approche inclusive, on pourrait dire presque holistique, de ces applications qui cherchent vraiment à rentrer très très loin, très avant dans la vie des citoyens. Ah, c'est tout à fait ça. Hein. Vraiment, WeChat est vraiment parlant pour ça. Hein. Et d'ailleurs, il y a aussi une approche vis-à-vis de la commande de taxi via Didi, etc. On peut vraiment avoir ça. Dans WeChat, on a vraiment tous ces services ajustés un peu à la personne. Et c'est une démarche aussi communautaire. Vous parliez de cela de Guangxi. C'est très chinois. L'idée un petit peu de confucianisme, cette manière de penser l'autre aussi. Il y a moins cet individualisme qu'on peut avoir en Occident. Et ces plateformes sont quand même pensées par des Américains qui sont... pour un certain nombre, bon, on va dire protestants, donc c'est aussi une démarche, alors que les Chinois, ils sont marqués par le confucianisme et après une approche un peu communiste. Enfin, tout à fait. Enfin, un communisme adapté à la Chine. Donc, un mélange qui est quand même tout à fait différent. Et donc, ces outils-là, l'idée d'avoir une communauté, ça a plus parlant qu'une approche vraiment un petit peu égotiste, comme on peut avoir sur Facebook, par exemple. Mais alors, vraiment, alors, de notre point de vue d'occidental, parce qu'évidemment, il faut pas oublier la tentation, ou faut essayer d'en faire fi de cette tentation occidentale, talocentriste, ou c'est que évidemment quand on voit tous ces éléments accumulés, c'est-à-dire le pouvoir le regard du pouvoir ou le contrôle du pouvoir central, l'extrême approche intégrative de l'ensemble des données, y compris financières, et l'extrême intrusion dans la vie quotidienne du citoyen, on voit bien le cocktail explosif que ça peut donner, notamment si on rajoute une surcouche à tout cela qui est ce fameux système de crédit social auquel prennent partie chacune de ces entreprises, elles fonctionnent? Comment est-ce que ça s'organise justement avec ce système qui permet de gagner ou de perdre des points en fonction de ces comportements et donc de perdre des avantages sociaux jusqu'à ne plus pouvoir prendre le train ou l'avion? Comment ça se passe, Frédéric Poupati? Le crédit social que vous évoquez, c'est le résultat d'une politique dirigiste dont on observe depuis maintenant 2 ou 3 ans un dispositif de surveillance avec des caméras qui sont placées un peu partout dans les rues, dans les magasins, qui permettent de... Avec un système de reconnaissance faciale très poussé. Hein, qui permettent de reconnaître les individus, où qu'ils soient, et qui envoient, après coup, des informations aux autorités de police si un individu commet une infraction, même mineure. Donc ce crédit social, il est composé d'un certain nombre de points, et vous perdez des points selon l'infraction que vous avez commis. Et ça peut avoir des conséquences par la suite fâcheuses, puisque vous pouvez par la suite payer votre billet de train beaucoup plus cher que celui qui a un crédit non entamé. Ça peut aussi avoir des conséquences sur votre réputation, si notamment si vous êtes un universitaire et que vous avez l'habitude de voyager à l'étranger pour donner des conférences ou pour assister à des séminaires de recherche, ça peut à terme vous valoir quelques ennuis, notamment pour voyager. Quel est le lien justement des BATICS avec ce système de crédit social? Est-ce qu'ils en font partie? Est-ce qu'ils en sont partie? Ils sont partie intégrante justement de ce fonctionnement? Est-ce que mal se comporter sur les réseaux sociaux, ça enlève des points, ça retire des points et du crédit social? Comment ça se passe? Alors là encore, c'est très difficile de répondre franchement à cette question. On peut supposer qu'ils sont partie prenante, même si, à ma connaissance, il n'a pas été prouvé qu'ils aient été consultés. Mais ce serait étonnant qu'ils n'auraient pas été consultés au préalable. Évidemment, quand on s'appelle Alibaba, on répond au même schéma de pensée qu'Amazon. C'est-à-dire comprendre les habitudes de chacun, voir... essayer même d'anticiper le comportement d'un acheteur potentiel, c'est un petit peu la motivation pour des sites de commerce en ligne. Donc c'est, à mon sens, quelque chose que les BATICS sont intégrés. Mathieu Guignou? Oui, je pense que effectivement ils doivent avoir un rôle. Après, on peut pas savoir. Mmh. C'est un petit peu la même question qu'au départ. Hein. Il y a une opacité. Eux vont pas faire de la publicité pour dire voilà, non, on vous espionne. Mmh. Même en Chine, ça... C'est pas vendeur. Avec des répercussions qui sont évidemment, enfin, en tout cas telles qu'on le conçoit ici, plus importantes vis-à-vis de ce système de crédit social. Un dernier mot peut-être pour conclure. Quelle est aujourd'hui la stratégie internationale de ces entreprises? On voit bien que Huawei passe la vitesse supérieure, essaie d'exporter ses technologies, de s'implanter, d'exporter son savoir-faire. Pour le moment, ces autres entreprises, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, on n'entend pas parler. Ça reste un marché chinois ou sino-asiatique. En quelques mots, Mathieu Kinyou, est-ce qu'un jour, est-ce que demain, Baidu va essayer de venir s'implanter en Europe? Alors peut-être, mais il faut garder en tête que c'est quand même des sociétés qui ont répliqué des modèles occidentaux en les adaptant à la culture chinoise. Donc faire la chose en sens inverse, c'est pas impossible, mais ça paraît compliqué. Alors que quand on est dans une démarche de vendre des microprocesseurs, de vendre des infrastructures réseau, c'est plus facile. Alors il y a toujours la question de la normalisation. Donc ça peut-être que les questions de normes, ça peut être aussi un frein. Donc, justement, il y a des combats à mener à ce niveau-là au niveau européen. Mis à part cet aspect normatif, je pense qu'au niveau des usages, ça ne change rien. Frédéric Poupati, en un mot. Après, je pense que c'est à nous, occidentaux, de repenser nos grilles de lecture pour être plus en conformité avec la réalité de la guerre économique et des stratégies d'approche des nouveaux acteurs. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux, merci Mathieu Kinyou, merci Frédéric Poupati d'être venu nous parler de cet internet et du monde numérique vu depuis la Chine. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Éléonore Pérez, Eve Etienne, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation, Jean-Frédéric à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain, nous retournerons à cette époque où la science n'avait que des bonnes nouvelles, cette époque bénie où les citoyens croyaient en la science comme vectrice de progrès, de bonheur individuel et collectif. Nous vous raconterons demain l'histoire du positivisme scientifique à 16h jusqu'à preuve du contraire.